Comment éviter la négativité en spiritualité? La spiritualité vise à cultiver la paix intérieure, la sagesse et la compassion. Cependant, il est inévitable que nous soyons confrontés à des pensées, émotions et situations négatives dans la vie quotidienne. Ici, nous allons explorer des stratégies et des enseignements spirituels pour éviter la négativité et cultiver une attitude positive et épanouissante. Pratiquer la pleine conscience, mindfulness. La pleine conscience est une pratique clé pour éviter la négativité. Elle consiste à être conscient de nos pensées et émotions sans s'y attacher ni les juger. En cultivant la pleine conscience, nous pouvons observer les pensées négatives sans les laisser nous envahir, et ainsi les laisser passer. Lâcher prise pour éviter de ruminer nos pensées négatives. Le lâcher prise est essentiel pour éviter de s'enliser dans les méandres de nos pensées négatives. Il s'agit de se détacher des pensées négatives en reconnaissant qu'elles ne servent pas notre bien-être spirituel. En lâchant prise, nous ouvrons l'espace pour accueillir des pensées positives et constructives. Cultiver la gratitude. La gratitude est une puissante antidote à la négativité. En se concentrant sur ce qui est positif et en exprimant notre reconnaissance pour les bénédictions de la vie, nous pouvons transformer notre état d'esprit et créer un cercle vertueux de positivité. Éviter les sources de négativité. Dans notre environnement et nos relations, il peut y avoir des sources de négativité qui nous influencent. Il est important de prendre conscience de ces facteurs et d'établir des limites saines pour préserver notre bien-être spirituel. Pratiquer la compassion envers soi-même et les autres. La compassion est un pilier de la spiritualité. En étant compatissant envers nous-mêmes et envers les autres, nous pouvons atténuer la négativité qui peut surgir dans les relations interpersonnelles et les auto-jugements. Se concentrer sur le présent. Se concentrer sur le moment présent plutôt que de s'encombrer du passé ou de s'inquiéter de l'avenir est un moyen puissant d'éviter la négativité. En étant pleinement présent dans l'instant, nous pouvons mieux gérer les défis et les émotions difficiles. Pratiquer la méditation et la visualisation positive. La méditation et la visualisation positive sont des pratiques qui nous aident à cultiver des états d'esprit positifs et constructifs. La méditation calme l'esprit et la visualisation nous permet de nous projeter dans un état positif et optimiste. Éviter le jugement et la critique. Le jugement et la critique peuvent alimenter la négativité. En nous efforçant de pratiquer la bienveillance et de suspendre notre jugement envers les autres, nous contribuons à créer un espace de paix et de respect mutuel. Cultiver des relations positives. Les relations positives et bienveillantes peuvent nous aider à rester ancrés dans la positivité. Entourer de personnes qui nous soutiennent et nous inspirent est bénéfique pour notre bien-être spirituel. Accepter les émotions négatives. En spiritualité, il est important de se souvenir que toutes les émotions sont des expériences humaines naturelles. Au lieu de les rejeter ou de les combattre, nous pouvons les accueillir avec bienveillance et les examiner avec détachement. Voici un exemple de mantra qui peut aider à éliminer la négativité lorsque nous nous sentons dans cette énergie. Je suis fort, je suis capable, je suis digne d'amour et de respect. Je suis unique et précieux, je mérite le bonheur et la réussite. Répétez ce mantra régulièrement, de préférence tous les jours, pour renforcer votre estime de vous-même et éliminer progressivement le complexe d'infériorité. Il est important de le répéter avec conviction et de ressentir les mots que vous prononcez. En conclusion, éviter la négativité en spiritualité est un voyage intérieur qui demande une pratique constante et un engagement envers notre développement spirituel. En utilisant des stratégies telles que la pleine conscience, le lâcher prise, la gratitude et la compassion, nous pouvons transformer notre état d'esprit et cultiver une attitude positive et épanouissante dans notre vie quotidienne. En adoptant ces enseignements spirituels, nous pouvons développer une plus grande résilience face aux défis de la vie et contribuer à un environnement positif et aimant pour nous-mêmes et les autres. Page 3. Nous allons voir ce qu'est la méditation et comment la pratiquer. Page 3.